jaune, tu le causes. Alpha Sadio, Arsi Morosco, ok. Tu reconnais bien là le style du Fabulous Gang Gang. C'est pas petit Munich, tu sais bien notre friend friend. Mort les yeux ouverts, un 31 un printemps été. Jour de ma naissance, une descente et sont aux enfers. Frère, je démarre comme un R1. SARL parrain, oh my god, qui aurait cru que j'allais signer sur mon propre deal. Méconnaissable dans les rues, je suis pas James Dean. Jim Lar, c'est mon style, mon sang de brise la nuit. Prends la tof, tape la pose avec mon cipo. J'suis un psycho, utilise rarement le dico. Indépendant, le style moral dans le vice. Vice versa, qui sait faire ça mieux que nous. Toujours autant le seum, sa mère. Pas de mesure, nous on assure sur scène. C'est le corps du urbain, et ben quoi, t'as l'air étonné. Ghetto Fabulous Gang sur la ligne de mire. Tu reconnais bien là le style du Fabulous Gang Gang. C'est pas petit Munich, tu sais bien notre flingue flingue. Les larmes tombent du ciel, des cadavres sur le terre-terre. Ici les balles sifflent, pour la rue c'est ding-ding. Tu reconnais bien là le style du Fabulous Gang Gang. C'est pas petit Munich, tu sais bien notre flingue flingue. Les larmes tombent du ciel, des cadavres sur le terre-terre. Ici les balles sifflent, pour la rue c'est ding-ding. Mon monde est baisé, H24 sous des fonds. Ne me demande pas de t'expliquer pourquoi mon quartier te défonce. Fais des jazz sales, mets les billets au sale et roule sa bosse. Du bâtiment au poste, sans baisser les yeux mon pote. Chacun se croque, le cœur léger, évitant de se faire piller. J'ai parlé, j'mets passe-moi le billet, j'ai le calibre obligé vu l'enjeu. J'suis pas d'humeur à trop parler boy. J'fais le quartier, c'est vérité boy. Où tu peux die pour un vieux bye. Ici c'est banlieue patrie, on respecte pas trop. Si tu me proposes un bon bif, emblème, on chasse ton patron. Tout tourne autour de l'argent, tu comprends qu'on doit le faire, ce putain de billet. Ça fait trop de piges, y'a plus d'alloc pour s'appuyer. Envier puis piller, et finalement finir sa vie en tôle. À roupiller, brah. On ne sait qu'attaquer, défendre, on sait pas. Pour ça y'a les avocats, retiens au moins ça. On connaît bien là le style du Fabulous Gang Gang. C'est pas petit Munich, tu sais bien notre flingue flingue. Les larmes tombent du ciel, des cadavres sur le terre-terre. Ici les balles sifflent, pour la rue c'est ding-ding. Tu reconnais bien là le style du Fabulous Gang Gang. C'est pas petit Munich, tu sais bien notre flingue flingue. Les larmes tombent du ciel, des cadavres sur le terre-terre. Ici les balles sifflent, pour la rue c'est ding-ding. Pas loin de l'enfer, moi j'aligne le brancard. Mes frères sortent de placard, moi je vide le pétard. La hagra ça paye pas, sauf avec les gyrophares. Ce fils de pute me reproche de trop parler de Dakar. Mis à part la jalousie, frère la vie est belle. Mes ennemis creusent leur tombe avec mes pioches et mes peines. Et je te dis que même Jésus avait Judas à sa table. À bon prix, tout s'achète, l'hypocrisie est palpable. Si par malheur dans la rue une balle vient me rafler. Les anges pleurent sur ma dépouille pour me ressusciter. Marchant, me retourner, calculant mes gestes. Laisse mon cœur te guider, au sommet de l'Everest. Mes paroles sauvent ta vie, comme si j'étais un prophète. J'veux fêter des baptêmes, nique les récits funestes. Ghetto Fabulous Gang, mets le rap sous écrou. Hey, t'as jamais eu de frère aussi sincère que nous. Tu reconnais bien là le style du Fabulous Gang Gang. C'est pas petit Munich, tu sais bien notre flingue flingue. Les larmes tombent du ciel, des cadavres sur le terre-terre. Ici les balles sifflent, pour la rue c'est ding-ding. Tu reconnais bien là le style du Fabulous Gang Gang. C'est pas petit Munich, tu sais bien notre flingue flingue. Les larmes tombent du ciel, des cadavres sur le terre-terre. Ici les balles sifflent, pour la rue c'est ding-ding. Fifi, jaune d'Holocauste. Maintenant tu reconnais le style Alpha Stanvin. Maintenant tu reconnais le style. Yeah, Aristime, BSS. Maintenant c'est le boss du 7-7. Yeah. On a des confios, des calibrants, des boyards frères. Maestro, Sergio,